Lorsque vous entendez 3 en 1 dans une publicité, vous vous imaginez que, comme d'habitude, on va vous parler d'une nouvelle crème de soin, mais certainement pas d'un aspirateur. Et pourtant, c'est avec le Triflex, le nouvel aspirateur balai sans fil 2000, que 3 en 1 prend vraiment tout son sens. Modularité unique, performance d'aspiration exceptionnelle grâce à la technologie Vortex, une efficacité optimale avec l'électrobrosse extra large. Découvrez l'innovation 3 en 1 du Triflex sur 1000.fr. 1000, immer besser. Toujours mieux. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions enregistrées autour de la philosophie des comédies musicales. Aujourd'hui, 3e émission, Peau d'âne. Peau d'âne est l'un des contes les plus anciens du répertoire populaire. Ses premières traces remontent à plus de 150 ans avant que Charles Perrault n'en propose une version rimée en 1694. L'histoire tient en une phrase. Pour échapper aux désirs incestueux de son père, Peau d'âne exige de lui des robes de plus en plus somptueuses jusqu'au jour où elle s'enfuit, déguisée en souillon. Le 16 décembre 1970, Peau d'âne sort au cinéma. Le réalisateur s'appelle Jacques Demy. Et ce film est l'aboutissement de 8 années de réflexion et de travail qui transpose le monde du conte dans l'univers baroque et romantique qu'affectionnait le réalisateur. Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse. Et ses époux vivaient dans une union parfaite. De leur hymen était née une fille douée de tant de charme et de grâce qu'il ne regrettait pas de n'avoir une plus ample lignée. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les bâtiments étaient magnifiques et les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice peut vous surprendre, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Mais les vicissitudes de la vie s'étendent aussi bien sur les rois que sur les sujets. Et les plus grands biens sont toujours mêlés de quelques maux. Le ciel permit que la reine fût tout à coup attaquée d'une âpre maladie. Et ni la faculté qui pourtant étudie le grec, ni les charlatans à la mode ne furent d'aucun secours. Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous. C'est que s'il vous prenait l'envie de vous remarier... Non, non ma chère reine, jamais je n'y songerai de ma vie. Écoutez-moi, jurez par tout l'amour que vous avez pour moi de ne vous remarier que lorsque vous aurez trouvé une femme plus belle et mieux faite que moi. C'est impossible. Jurez, alors je mourrai contente. Je vous le jure. Bonjour Marie Sauvion. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes nouvellement depuis peu rédactrice en chef adjointe cinéma à Télérama. Oui. Félicitations. Et vous avez soupiré de plaisir dès la première note du film qui a ouvert cette émission. Pardon, je le dis aux auditeurs, je vous ai vu, je vous ai entendu. C'est ça l'effet Peau d'âne. Oui, c'est l'effet Peau d'âne. Alors chez moi, c'est même l'effet Jacques Demy, je dirais. Hein, parce que c'est un soupir d'amour et de plaisir qui s'étend à la trilogie enchantée, donc les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort et Peau d'âne. C'est les trois films que j'emporterai sur une île déserte. Et Peau d'âne tient quelle place parmi les trois films? Alors il tient une place un peu à part puisque les parapluies et les demoiselles forment pour moi un diptyque absolument inséparable. Il y a d'un côté avec les parapluies le film du malheur parfait, c'est-à-dire la beauté de la plus pure tragédie. Et puis il y a le film du bonheur parfait, du soleil avec les demoiselles. Et la cerise sur le gâteau, c'est Peau d'âne. Est-ce que c'est un film qui s'adresse d'abord aux petites filles qui rêvent d'être princesses? On pourrait le croire, puisque effectivement c'est un conte voilà qu'on connaît toutes petites, enfin, le petit garçon aussi d'ailleurs, j'imagine qu'on leur lit Peau d'âne. Mais le désir de Jacques Demy, et il l'a signifié très clairement en 1970 à la sortie du film, c'était de faire une œuvre à double lecture, c'est-à-dire qu'il y avait de quoi rêver pour les enfants et de quoi réfléchir et rêver aussi pour les adultes, selon, disait-il, leur degré de puritanisme. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à la question de l'inceste dans le film, qui passe vraiment, mais comme une lettre à la poste avec les enfants. C'est-à-dire que c'est une question qui est écartée très vite. Son père veut l'épouser, bon, ben, elle ne veut pas, elle s'en va, elle va rencontrer un prince. Enfin, c'est une péripétie comme une autre. Pour les enfants, il me semble. Et pour les adultes, effectivement, alors selon les époques, c'est un drame plus ou moins horrible, plus ou moins terrible. Et Demy savait que, selon le spectateur, selon son degré de puritanisme ou de perversité, l'accueil de cet aspect-là du film serait différent. Et ça a été vrai chez les critiques, d'ailleurs, parce que, par exemple, il y a une critique de Jean de Baroncelli dans Le Monde, à la sortie de Podane, donc en décembre 70, qui dit, oh là là, heureusement, Demy ne s'est pas farci la tête de psychanalyse des contes de fées, il fait le film de l'innocence. Or, Demy lui-même dit évidemment qu'il s'est intéressé à la psychanalyse des contes de fées, en tout cas à la question de l'inceste. C'est un thème qu'il travaille sans doute parce qu'on le retrouve à plusieurs reprises dans sa filmographie. Et d'ailleurs, le conte même de Podane est quelque chose qui l'occupe depuis très longtemps. Écoutez-le, c'était en 1970, justement, dans la salle de rédaction de France Culture. Figurez-vous, il parlait de Podane et de la façon qu'a eu ce film de l'accompagner depuis bien longtemps. Ce même Podane, enfin, moi je l'ai monté en théâtre de marionnettes, vous savez, les guignols, ces marionnettes à main, lorsque j'avais 7-8 ans, enfin, entre 7 ans et 12 ans, j'ai passé mon temps à faire du guignol. Ma carrière était toute tracée, ma voix était faite, enfin, je n'avais plus le choix. J'étais piégé. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé que à la représentation de la vie, qu'elle soit donc guignolesque ou cinématographique ou théâtrale, je veux dire. C'était ma destinée, j'en étais sûr. Il parle de destinée quand il parle de représentation de sa vie. Alors, l'univers de Guignol est une bonne façon peut-être de qualifier l'univers de Demy et surtout de donner raison à ses détracteurs. Et je me vais me faire l'avocat du diable, Marie-Sophie, ah, parce que vous l'aimez tellement. Vous savez bien ce que disaient les détracteurs de Jacques Demy, on y a déjà consacré une semaine ici sur les chemins de la philosophie, ça s'applique encore plus à Podane. Quel est ce film qui, en faisant fi de toute forme de réalisme et même presque d'incohérence de montage, nous fait croire que la vie est comme un conte de fées en caricaturant les princesses, le prince et même la fée et en se mettant à chanter alors qu'on pourrait très bien parler, si bien que le spectateur ne se sent pas du tout concerné dès lors qu'il a plus de 5 ans. Comment vous défendez le film ? Alors comment je défends le film ? Mon Dieu ! Alors il faudrait déjà commencer par défendre la comédie musicale. Ben oui, d'ailleurs, allez-y. Il est très troublant, effectivement, d'avoir comme convention que, voilà, au milieu d'une conversation, tout à coup, on se mette à chanter pour exprimer ses sentiments. Je ne sais pas quoi dire, à part que Jacques Demy a été nourri au cinéma très tôt, nourri au conte, et que pour lui, cette convention, c'est à la fois une façon de parler de la réalité, c'est une façon de la réinventer. Tout ce qui l'intéresse, Jacques Demy, c'est de réinventer la réalité. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse au cinéma. C'est-à-dire que je n'y vais pas pour voir le JT, j'y vais pour avoir la vision du monde, voilà, la réalité réinventée par un artiste. Il a trouvé dans le cinéma l'art total, hein, c'est-à-dire que c'est un fou de peinture, il a peint aussi beaucoup. Ces films sont très colorés, on reviendra peut-être sur les couleurs de celui-ci, mais par exemple les parapluies, très clairement, il disait c'est un Matisse en musique. Donc voilà, il est fou de musique, il est fou de peinture, il est fou d'histoire, il a combiné tout dans le cinéma, et je vois pas bien comment on peut résister à ça. Et quelle est sa vision du monde ? Vous dites que c'est sa vision du monde qui s'exprime au cinéma, vous arrivez à la qualifier ? Alors, la vision du monde de Jacques Demy, on se trompe beaucoup à ce sujet. C'est un optimiste, il le dit lui-même. Il est d'autant plus optimiste au moment de Podane qu'il revient des États-Unis où il a réalisé Model Shop. Il a passé 2 ans à Los Angeles. Il a fait un film assez âpre, d'ailleurs, hein, à Los Angeles. Pas du tout glamour Hollywood. Mais voilà, il est optimiste, il aime les histoires qui finissent bien. Il se plaint un peu que les spectateurs n'aiment pas le bonheur. Il dit, finalement, le bonheur, ça les barbe. Et en même temps, on ne le dira jamais assez, il n'y a pas de mièvrerie chez Jacques Demy, jamais. On a beaucoup parlé au sujet de ses films, de bonbons empoisonnés, de dragées au poivre, etc. Il y a effectivement une question constante, comment ne pas passer à côté de sa vie ? Qu'est-ce qu'on fait du temps ? Qui passe ? Du temps perdu ? Du temps qui ne reviendra plus, comme disait Barbara. Et cette question-là, elle est vraiment toujours au cœur de ces films. Ce sont des films aussi d'amour déçu, ce sont des films de... La Podane, ça raconte une épreuve terrible, hein, vraiment l'épreuve initiatique d'une jeune fille. Il le fait sur le ton de la comédie, parce qu'en revoyant le film juste avant de venir, je me rappelais pas qu'il était si drôle. Et donc, voilà, on passe chez Demy du rire aux larmes selon les films, toujours avec cette idée de l'enchantement et de quelque chose de... Voilà, d'à la fois surréel et ancré dans l'humain, le sentiment, l'émotion. C'est pas du tout un cinéaste élitiste, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément une culture particulière pour rentrer dans ses films. Non, pas du tout. Sauf celle du conte, peut-être, d'ailleurs. Parce que c'est quand même, Podane est d'abord un conte. Podane est d'abord un conte. Les contes ont été très très importants dans son enfance. Effectivement, il les a joués avec son guignol. Il est joué pour les enfants du quartier. Hein. Il habitait à Nantes, on le sait. Il a fait des films aussi très tôt. Il avait une petite caméra Pathé Baby. Et alors, il avait effacé les pellicules de ses petits films pour dessiner dessus. Donc, il a fait de l'animation très très jeune, adolescent. Et voilà, raconter ces histoires-là qui le touchent énormément. Il a fait des recherches sur les contes, sur les mythes. Il a parlé de Parking, donc par exemple dans Parking, c'est Orphée. Donc tout ça, le mythe, le conte, ça le passionne dès l'enfance. Il aime Blanche-Neige, il aime d'ailleurs, il en cite plusieurs dans Peau d'âne. Il parle à un moment du Chaperon Rouge, et puis la reine Micheline Prel, la mère du prince, organise un bal et dit qu'on y attend le marquis de Carabas, qui est, comme chacun sait, le marquis du Chaboté. Alors, il faut mettre les pieds dans le plat tout de suite, puisque c'est dès le début du film, et je l'ai dit dès mon chapeau d'ailleurs, Marie Sauvion. Ce film raconte un amour entre un père et sa fille. Alors, assez classique en psychanalyse, puisque le complexe d'Œdipe a sa loi, qui est que la fille voudra épouser son père, et sans doute le fils voudra épouser sa mère. Sauf qu'ici, c'est l'inverse. C'est le père qui tombe amoureux de sa fille et qui veut tout faire pour l'épouser. Alors c'est un veuf. Il a perdu donc la reine. On l'a entendu dans le premier extrait que vous avez diffusé. Ce qui est intéressant, c'est que la reine est incarnée elle aussi très brièvement par Catherine Deneuve, qui incarne la fille aussi. Donc qui incarne la fille aussi. Elle joue la mère et la fille. La mère est rousse et la fille est blonde, très blonde, avec une perruque insensée, des cheveux jusqu'au creux des reins. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que à la mort de la mère, le roi dit à sa fille disparaissez, je ne veux plus jamais vous revoir. Elle est le portrait criant de sa maman et lui souhaite en fait rester avec sa solitude. C'est un roi incarné par Jean Marais qui aimait réellement son épouse et qui est inconsolable. Et là, qui s'en mêle ? Eh ben les ministres, les conseillers du roi qui viennent lui dire « Votre Altesse, d'accord, vous êtes malheureux, mais il faut absolument vous marier, vous n'avez pas de fils. » Alors, je ne dis pas que tous les drames surviennent du patriarcat, des lois saliques, etc. Mais enfin, le fait est qu'il a une héritière et ça ne suffit pas à ses conseillers, il lui faudrait un fils et donc on veut lui trouver une princesse. Et ils écument le royaume, lui dit « Montrez-moi un portrait ». Et alors on lui montre des portraits de princesses des alentours, voire de très loin, pour trouver une remplaçante à la reine. Et le portrait dont il s'éprend, c'est celui de sa fille. Ce qui paraît invraisemblable parce qu'il la connaît quand même très bien. Alors il lui demande à la mort de sa femme, il demande à sa fille de ne plus la voir, et quand il la voit en portrait, il ne la reconnaît pas. C'est ça, il l'avait oubliée. Elle est à la fois le portrait de sa mère et sa propre chair, et il contemple ce portrait comme si c'était une inconnue. Et donc c'est comme un coup de foudre en fait. Quand c'est il voit. Absolument un coup de foudre. Alors en plus pour le spectateur, ça crée des échos, parce qu'évidemment on se souvient tous du portrait de Catherine Deneuve, soi-disant réalisé par Jacques Perrin dans les Demoiselles de Rochefort, qui était le portrait d'une blonde un peu dans le style de Modigliani. Là, c'est un portrait très type, je sais pas, 16e siècle, une petite miniature comme ça, ravissante. Et il a le coup de foudre pour cet inconnu. Et ce qui est amusant, c'est que quand on lui apprend que c'est sa propre fille, il est un bref instant à l'image, stupéfait. Et il va à la fenêtre du château. Et il la retrouve en bas, elle n'a pas bougé, elle a passé des années là, visiblement, avec son orgue électrique. Elle est toujours en train de chanter Amour, Amour, et alors là, c'est la fin. Alors donc, enfin, ou le début. C'est plutôt. Le début, enfin les donc, avant d'entendre l'extrait que vous venez nous raconter, Marie Sauvion, voici la voix de Jean Marais qui parle de Demi face à Demi. Jean Marais, encore une fois, vous êtes roi dans oui, ce film. Oui, une fois de plus, je suis roi, oui, mais enfin dans un conte de fées. Pour vous, Jean Marais, ça a été un film, disons, intéressant à tourner, après avoir tourné, moi, disons, et moi, joué beaucoup de choses très différentes. Extraordinaire de tourner ce film. D'abord parce que je tournais avec Jacques Demy. Pour la première fois, en tant que metteur en scène, je l'avais connu très jeune, il était assistant. C'est un homme agréable. Oh, ben, il est là, je ne vais pas dire. Oui, c'est un homme très, très agréable, très gentil, qui sait quand même très bien ce qu'il veut et qui n'accepte pas qu'on fasse autre chose. Mais il le demande avec une telle gentillesse. Et puis, j'ai envie de lui obéir. Il n'y a qu'à le regarder, il sourit, on a envie de faire tout ce qu'il vous demande. Tristesse. Ennui. Orgueil. Hypocrisie, et toute borne, bossue, sourde peut-être. Et les princesses de conte, ont-elles disparu? Il reste bien celle-ci. Montrez. Dieu, qu'elle est belle. Vous la cachiez, félon. Quelle douceur, quelle pureté, quelle grâce. Voyez la ligne de cette épaule. Qui est-ce? Votre fille, majesté. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine. Comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. Audane, nous avions écrit une partition comme ça, très, très tendre, très romantique, vraiment une espèce de chose pour les enfants que nous sommes tous restés. Et je voudrais vous donner juste la chanson qui s'appelle Amour, Amour, qui était chantée dans le film et qui était reprise toujours par ce joli petit perroquet qui chantait toujours ceci. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine. Comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. Vous écoutez Michel Legrand sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de comédie musicale cette semaine et aujourd'hui, Peau d'âne de Jacques Demy, que vous avez entendu avant. Vous avez aussi entendu Jean Marais qui parlait de son rôle donc dans Peau d'âne et puis l'extrait du film quand même, où le père, Marie Sauvion, regarde par la fenêtre sa fille qui est en train de chanter ce qui sera le thème du film en réalité, Amour, Amour. En effet, on voit un perroquet, on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs, qui régulièrement dans le film dit oui. « Amour, amour !» et qui reprend, oui. Tournant en dérision, ce qui est par ailleurs extrêmement sentimental, car il faut le dire, c'est malgré l'inceste, on y reviendra, c'est malgré ou à cause d'eux, je ne sais pas, mais c'est un film qui est d'un romantisme digne du 19e siècle quand même. Oui, d'autant quand on pense au prince par exemple, sa grande chanson où il dit deux fois qu'on me pende ou je veux bien être pendu. En gros, si je n'ai pas l'amour de cette princesse aperçue dans les bois, et c'est ça, c'est l'amour ou la mort. C'est ça. C'est très romantique, oui. Oui, oui, avec une idée un peu jeune, un peu échevelée, on va dire, de l'amour, une idée de conte. C'est ça, et ça on sent très bien que c'est ça qu'il veut essayer de tirer jusqu'au bout. On l'a dit, pour le pire ou pour le meilleur parfois, parce qu'il y a le côté un peu rafistolé du conte qui est absolument assumé. À partir du moment où le roi voit sa fille, il va avoir une idée en tête. Il va vouloir la séduire, la conquérir. Et vous l'avez dit, pour les enfants ça passe très bien, pour les adultes c'est peut-être un peu plus choquant quand même de voir le père vouloir conquérir sa fille. Et il est difficile de ne pas se demander s'il y a une métaphore derrière ça. Est-ce que c'est vraiment juste l'histoire, le père est amoureux de sa fille, ou est-ce que Demy nous raconte autre chose que l'inceste? Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il raconte. D'abord, l'inceste, c'est un thème qui est une sorte de fil rouge dans son œuvre. Ça, c'est très troublant. Alors, ça culminera évidemment dans Trois places pour le 26, où là, carrément, l'inceste sera consommé. C'est-à-dire que dans Trois places pour le 26, vous vous souvenez certainement, Yves Montand revient à Marseille. Son personnage est Yves Montand. Hein, il joue une biographie romancée de sa propre vie. Il est censé monter un spectacle musical, retrouver une femme aimée jadis. Et il rencontre une jeune femme. Et ignorant qu'elle est sa fille, il a une liaison avec elle. Et ils se rendent compte, après avoir consommé cette première nuit, ils se rendent compte l'un et l'autre qu'il est le père, elle est la fille, née de père inconnu. Et c'est pas un drame, étrangement. Et ça va même rabibocher l'ancien couple qu'il formait avec la mère de la jeune fille. Donc c'est un thème qu'on retrouve souvent. Je pense aux Demoiselles de Rochefort, par exemple, ou Solange, Françoise d'Orléac. Un petit début de flirt avec Monsieur Dame, qui est joué par Michel Piccoli, ignorant bien évidemment que Monsieur Dame est l'ex de sa mère et le père de son petit frère Boubou. Donc il y a des liens comme ça régulièrement chez Demy. C'est une question qui traverse toute son œuvre. Je pense pas du tout qu'il en fasse autre chose que ce que c'est. C'est-à-dire quand même un nœud d'histoire un peu terrible. Et en même temps, je sais pas bien quelle est sa position par rapport à ça. Oui, c'est jamais exprimé à ce sujet. Le fait est que c'est vraiment un conte, c'est-à-dire que il faut qu'elle ait un motif de fuir, de vivre son épreuve et d'en sortir transformée. Et le motif de fuite, ce sera son père. Ce sera son père et ce sera grâce, alors non pas à sa mère puisqu'elle est morte, et à une figure féminine un peu étrange qui est une fée. Oui. Elle sera guidée sur la bonne voie. Alors, faut quand même dire deux mots de cette fée absolument sublime, Marie Sauvion, qui est sans doute la clé de voûte du film en réalité. La fée Delilah, qui est une fée tout à fait étrange, déjà physiquement, alors que les autres personnages, on reviendra certainement sur les vêtements, voilà, ont vraiment des habits de conte, les habits de conte de fée tels qu'on se les imagine. Elle est une espèce de silhouette américaine. Elle a une sorte de déshabillé mauve avec des fanfreluches. Et Demi disait qu'il l'avait voulu entre Jean Harlow et une poule. Voilà. Et donc, elle est une fleur. Enfin, voilà. Elle a un petit côté coquin, comme ça. Elle est jouée par Delphine Seyrig, la merveilleuse Fabienne Tabar de chez Truffaut, qui parlera à tout le monde. Et si on entend ça, on va l'entendre, évidemment. Voilà. Inoubliable voix de Delphine Seyrig. Ce sera sublime. Et alors, elle est très intéressante, cette fée. Parce que si vous pensez aux fées Carabosse, qui sont toujours vieilles, affreuses, avec des verrues, soit si vous pensez aux petites fées de chez Disney, qui sont adorables, mais qui sont des petites citrouilles, qui sont des gargouilles, qui ne sont pas des femmes. Elle, c'est une femme. C'est une belle femme. C'est une femme qui a sans doute eu une histoire de cœur pas très claire avec le roi. En tout cas, elle lui en veut pour quelque chose. Ils ont un passif. Et c'est une coquette. Elle ne peut pas passer devant un miroir sans se regarder, se recoiffer, se pomponner. Changer la couleur de sa robe, puisqu'elle a le pouvoir de le faire. Elle a le pouvoir de le faire. Elle a tous les pouvoirs. Et, par ailleurs, c'est une femme assez, alors, Demi la décrivait comme une enquiquineuse. Je trouve que c'est un peu raide. En tout cas, c'est une femme. La fée? Ou Delphine Seyrig, la fée. Non, pas Delphine Seyrig, il se serait pas permis. Delphine Seyrig qui était une déesse. Je tiens à le redire à tous vos auditeurs. Non, il parlait du personnage de la fée. Et voilà, il en avait fait à la fois une créature qui maîtrise le passé, le présent et l'avenir, qui est donc une créature surnaturelle. Et en même temps, une enquiquineuse, une femme un peu jalouse, par exemple, un peu rancunière, avec des défauts de femme, peut-être un peu caricaturaux même. Et la position de Demi par rapport aux femmes fait partie de celles qui pensent que Demi était plutôt féministe. Ah, j'en suis absolument convaincue. Alors, c'est pas un féminisme pamphlétaire, enfin, je veux dire, ça n'est pas déclaré, etc. Si vous regardez ces films, c'est souvent un point de vue féminin qui domine. Mmh. Et puis, il s'est intéressé avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse à toute une gamme de personnages qui sont des filles-mères, des grandes amoureuses ayant tout perdu, des prostituées. Il y a plusieurs prostituées qui se baladent dans son œuvre depuis Lola. Et puis, il s'est intéressé aussi, ça c'est une belle figure, à ces figures de mères qui sont des cadras ou quinquagénaires, des femmes mûres, un peu vieillissantes, un peu solitaires, souvent des veuves, qui sont très attendrissantes, qui seront parfois en rivalité avec leurs propres filles, qui n'ont souvent plus droit à l'amour, même si elles l'espèrent encore. Et voilà. Et toute l'œuvre de Demi est peuplée comme ça de personnages féminins absolument extraordinaires, à mon sens bien plus intéressants que les personnages masculins. Voici donc la fée, la chanson de la fée, donc Delphine Seyrig qui incarne la fée Delilah, qui est la marraine de la princesse Catherine de Neuf qui s'est enfuie dans la forêt, puisque bon, suite aux déclarations d'amour de son père, etc., il faut bien qu'elle trouve une manière de tenir bon. Elle s'enfuit, elle se rend compte que la fée a tout manigancé, et puis surtout celle-ci lui fait la morale sous forme de chanson. Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez, mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Les histoires fondées sur le thème du conflit édipien sont caractéristiques d'une vaste catégorie de contes de fées qui élargissent l'intérêt que l'enfant porte au monde qui déborde le cercle de famille. Avant de faire ses premiers pas vers sa maturité, l'enfant doit commencer par envisager le monde extérieur. Si ses parents ne l'aident pas dans ses investigations réelles ou imaginaires, le développement de sa personnalité risque d'en être appauvri. L'apprentissage de l'enfant veut précisément qu'il décide lui-même de ses démarches vers le monde extérieur, au moment qu'il jugera opportun, et dans des zones de vie qu'il choisira lui-même. Le conte de fées favorise ce processus parce qu'il se contente de faire signe. Il n'insinue pas, n'exige pas et n'exprime rien explicitement. Tout est dit implicitement sous une forme symbolique. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez ? Il faut mettre votre père dans une situation impossible. Vous allez lui dire que pour satisfaire une fantaisie que vous avez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, une robe couleur du temps. Couleur du temps ? C'est horriblement compliqué, très coûteux. Jamais avec tout son pouvoir, il ne pourra vous l'obtenir. Marie Sauvie, on pourrait passer une heure à écouter la voix de Delphine Seyrig, non ? Oui. Absolument. Dans tous ses rôles, dans toutes ses déclarations, dans ses documentaires, on pourrait écouter une vie de Delphine Seyrig. Une semaine sur Delphine Seyrig. En tout cas, ici, on lui entend prodiguer des conseils. Et c'est le paradoxe quand même. C'est que c'est le père qui est amoureux de sa fille, mais c'est à la fille qu'on conseille une attitude à adopter pour faire face au père quand même. C'est à elle de trouver une solution, c'est à elle de sauver en tout cas, oui. Et le paradoxe, c'est aussi que la fée des Lilas lui dit « j'ai tout manigancé, vous allez lui demander une robe couleur du temps », sachant très bien que ça ne marchera pas, puisqu'elle a ensuite l'idée de la robe couleur de lune, puis l'idée de la robe couleur de soleil, puis l'idée de la peau d'âne. Donc c'est étrange, on se trouve dans cette situation, on se dit, bah alors si elle a tout prévu, tout manigancé, etc., a-t-elle prévu les échecs successifs de la ruse des robes avant d'arriver à la peau de l'âne? Pourquoi ne la fait-elle pas fuir de tout de suite, en fait? C'est ça qui est un peu étonnant dans le film. Peut-être pour ne pas échapper au plaisir d'arborer ces robes magnifiques, on va y venir, parce que quand même tout le film tourne autour de ces robes aussi, sans mauvais jeu de mots. J'ai lu un extrait de Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, et vous disiez que Jacques Demy lui-même non seulement avait lu la psychanalyse, il savait très bien l'effet qu'ont les contes de fées sur les enfants. Oui, et alors il y a une chose très drôle dans le film, c'est que à peine a-t-il demandé la main de sa fille, enfin plutôt il lui a annoncé qu'il comptait l'épouser, hein, elle n'a pas grand choix dans cette affaire, le roi, donc Jean Marais, monte dans le donjon de son château et va trouver un vieux savant qui vit là. Alors il a des éprouvettes qui fument, des grimoires dans tous les sens, etc. Le type a 2000 ans, hein, visiblement on a construit le château autour de lui. Et Jean Marais lui dit, voilà, je suis amoureux de ma fille, est-ce que c'est vraiment un amour coupable ? Donc le roi sait que c'est un amour coupable, il voudrait bien être un peu dédouané. Et là, le savant ouvre un livre, tourne 3 pages et dit, oh bah écoutez, c'est écrit là, toutes les petites filles à qui on demande « qui veux-tu épouser quand tu seras grande ?» répondent « mon papa ». Le roi se trouve conforté, bien évidemment, dans son désir incestueux. Et puis, il dit « bon bah ok, c'est décidé, je vais épouser ma fille ». Et puis il demande au savant « mais toi, est-ce que t'as une fille ?» Et le savant lui répond « non, mais si j'en avais une, je l'épouserais sur le champ ». Voilà, donc c'est à la fois tout l'art de Demy et tout son esprit, parce qu'en fait, il y a énormément de jeux d'esprit et de choses très drôles dans le film, qu'on découvre avec les années. C'est-à-dire que voilà, quand on voit le film à 6 ans, à 12, à 20 et à l'âge que j'ai aujourd'hui qui est respectable, eh ben on voit pas le même film, évidemment. Et on sent le plaisir de Demy de jouer avec ces tabous-là, au fond. Pourquoi psychanalyse de contes de fées, ça s'applique très bien au film de Demy lui-même, c'est qu'il met à l'écran des choses qui ne sont pas montrables ni nommables dans la réalité. C'est à ça que sert le cinéma aussi. On est obligé d'assister à une situation que peut-être nous avons tous vécue, mais on en a fait un déni tellement énorme. En fait, ça nous fait bizarre, mais peut-être nous met face à une réalité aussi. Ben oui. Alors je peux annoncer, c'est vrai, je peux dire à ce micro que certainement à 5 ans, je voulais épouser mon papa. Et puis après, je suis tombée amoureuse de Julien Clerc. Ça m'a sauvée. Oui, mais alors ça, c'est plus normal. Et je vous questionnerai pas sur votre liaison avec Julien Clerc que si votre père était venu vers vous en vous demandant est-ce que tu veux m'épouser. Mais c'est ça. Encore une fois. Mais ce qui est intéressant dans le film, ça passerait plus aujourd'hui d'ailleurs, je pense. C'est que Podane est au bord de succomber à plusieurs reprises. Oui. Bah, et qu'en fait, au départ, elle dit ça m'inspire de mauvaises pensées. On sait pas bien si ça lui inspire des pensées de rejet par rapport à son père, ou tout à coup elle est dans un conflit de loyauté, ou si ça lui inspire une certaine tentation finalement. Et donc, elle va ensuite trouver sa marraine, et puis à mesure que son père la couvre de robes toutes plus belles les unes que les autres, eh ben, elle finit par trouver que c'est pas si terrible que ça l'idée d'épouser son père. Comme cette robe est belle, et comme mon père est bon, au fond, je me sens pleine d'amour et prête à l'épouser. Cela ne se peut. Mais il est si gentil. Impossible. Tiens, j'ai encore déchiré ma robe en entrant. Comme c'est triste. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. De toute façon, quelque chose ne marche pas. Mon charme n'agit plus. S'userait-il? Un charme peut-il s'user comme un habit? Non, mais il peut faiblir, comme une pile. Une pile? Que voulez-vous dire? Rien. Je vieillis. Mais les faits ne vieillissent pas. C'est vrai, j'avais oublié. Néanmoins, mon pouvoir sur les hommes diminue. Mon charme sur votre père n'opère plus. Je dois avouer, madame, que j'éprouve pour lui une immense tendresse. Ah non, je vous en prie. Ou je me trompe fort, ou nous viendrons à bout de cette passion lamentable. Ah, du calme. Soyons franchement odieuses. Dites-lui qu'il vous faut une robe encore plus brillante, une robe couleur de soleil. Mais il me la donnera, il a réponse à tout. Eh bien, nous verrons. D'ailleurs, j'ai une autre idée. Et je pense qu'il sera un peu surpris par la demande que je vous conseillerai de faire. Qu'avez-vous encore inventé? Écoutez. Oh non, pas cela! Et pourquoi? Oh, c'est abominable. Jamais je n'aurai le courage de lui... Oh, j'aimerais mieux épouser mon père que d'exiger un tel sacrifice. Il faudra pourtant en arriver là. Alors, on dirait dans un instant de quoi il s'agit, Marie Sauvion. Mais d'abord, si on commente le début de cette scène, on est pas loin d'être dans la cantatrice chauve de Ionesco, tellement les répliques semblent un peu décousues. La fée rentre, oh, tiens, j'ai déchiré ma robe. Oh, je me sens comme une pile. Que veux-tu dire? Non, rien. J'ai perdu mon pouvoir. On ne sait même pas de quoi elle parle. C'est la scène la plus réaliste et la plus surréaliste en même temps. Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'elle voyage dans le temps. Elle rapporte des poèmes d'Apollinaire et de Cocteau. Elle parle des piles. Elle a un téléphone dans sa clairière. Oui. Voilà. Donc, pour elle. Il y a un hélicoptère à la fin. Pour elle, tout ça est normal. Ce que disait Demi, c'est que la féerie, en fait, c'est l'abolition du temps. Et c'est aussi le mélange des styles. Et ça va être très visible dans les vêtements, parce que effectivement le film est pour ça déjà un ravissement pour le spectateur. C'est que ils se sont donné un mal fou pour créer des costumes très très spectaculaires. Et il avait là mélangé tous les styles. C'est-à-dire que le roi Jean Marais est tantôt habillé façon Charlemagne, tantôt Renaissance. Les robes de princesse sont absolument Louis XV. Le prince est Henri II. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait du conte de fées, qui a été nourri souvent de gravures de Gustave Doré, par exemple, dans les livres, etc. Et ben, il a tout mis en vrac. C'est aussi le film du too much. C'est aussi le film où Jacques Demy dit je n'en ai rien à faire du bon goût français. C'est un film qui est nourri d'influences très diverses, qui vont de Doré au pop art. Mmh. Et sur les robes. Elles ont été exposées il y a quelques années à la Cinémathèque. Il y avait une expo sur Jacques Demy. Elles étaient absolument sublimes. Enfin, c'est vraiment. Et la robe couleur du temps, notamment, qui était carrément une robe méta. C'est-à-dire qu'il avait pris un tissu extrêmement technique sur lequel il avait projeté des images de nuages défilant dans un ciel bleu. Et donc, c'était une robe cinéma. C'est vrai, et quand on la voit à l'écran, parce qu'on comprend une robe couleur du temps, beau temps, dit-elle, on se dit, mais comment va-t-il faire une robe de cette couleur-là? Et on voit donc, parce que c'est un défilé de mode, hein, robe après robe, robe, après pendant 10 minutes dans le film, c'était un vrai défilé de mode, et on voit cette robe sur laquelle on voit des nuages qui passent, et même quand on n'est pas dupe du trucage, ça, c'est un effet saisissant quand même. C'est un effet très saisissant, et vous faites bien d'employer le mot trucage, parce que c'est ce qui est très joli dans le film. Je ne sais pas quelles auraient été les autres possibilités techniques en 1970. Le fait est que le film regorge de trucages. Ouais. De trucages comme au temps ancien du cinéma, comme voilà, des trucages à la Méliès, comme on dit. Donc ce sont des ralentis, des arrêts sur image, des images qu'on passe en arrière pour allumer une bougie, des surimpressions pour faire apparaître une silhouette un peu fantomatique dans une pièce, faire apparaître et disparaître la fée. Tout ça nous ramène au premier temps du cinéma. Et c'est vraiment là, je pense, la déclaration d'amour naïve et mais voilà, archi sincère de Demi à son art. D'autant que là, l'amour passe presque au second plan, parce qu'en fait, enfin en tout cas, l'histoire d'amour du père envers sa fille, parce qu'on l'a entendu au début de l'extrait, la fille avec une belle robe, elle est prête à céder, elle dit oui, au fond, que cette robe est belle, que mon père est gentil, je crois qu'au fond, je l'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est très innocente, cette princesse. Alors d'abord, elle a grandi seule, accrochée à son orgue, vous êtes marrante, elle a pas de camarade, elle sait pas peut-être que l'amour, elle peut aller le chercher en dehors de chez elle. Et effectivement, je crois qu'elle est touchée plus sérieusement par la solitude de son père et par les sacrifices qu'il est prêt à faire. C'est-à-dire qu'il insiste, il insiste, et après tout, puisqu'elle l'aime, je pense qu'elle n'a pas d'idée de ce qu'est l'amour d'un homme et d'une femme. Et puisqu'il l'aime et qu'elle l'aime et qu'il a l'air tellement malheureux, pourquoi ne lui refuserait-elle ce bonheur ? N'est-ce pas aussi cohérent avec l'interprétation assez désincarnée de l'amour chez Jacques Demy ? On voit peu de corps qui consomment l'amour. L'amour ici était une sorte de pureté, d'idéal, et donc est compatible avec l'amour d'une fille pour son père. Alors c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup d'héroïnes chez Demy qui soit ont des enfants sans faire exprès. Enfin, il y a une espèce d'innocence effectivement. Il n'y a pas de conception, il n'y a pas d'acte. La maman des jumelles les a eues sans faire exprès. Effectivement, dans les parapluies, la pauvre Geneviève est enceinte après sa première nuit avant le dont le on départ. Ne voit rien, on voit les effets. On ne voit alors ce n'est pas effectivement un cinéaste de la sensualité débridée à l'image. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on pourrait même interpréter ce défilé de robes comme étant une manière aussi de s'éloigner au maximum de ce que serait le corps. Mais on va y revenir à travers, alors là, pour le coup, quelque chose de très cru et très concret qui sera la peau de l'âne. Et qui sera... Alors racontez-nous cette peau d'âne. Oui, effectivement, c'est le titre du film quand même. Alors voilà. Donc, tous les subterfuges de robes ayant échoué puisque le roi a fourni la robe couleur de temps, la robe couleur de lune, la robe couleur de soleil, on finit par lui demander le sacrifice ultime qui est la peau de son âne banquier. Il a dans ses écuries un âne qui défèque des pièces d'or et des pierres précieuses. Il a ouvert cette émission, d'ailleurs, vous ne le saviez pas, chers auditeurs, que ne connaissez pas le film. Le doux son que vous entendiez de pièces d'or et le hennissement, mais c'était l'âne banquier. Et ça, c'est une idée de la fée qui est quand même un petit peu tordue, la fée des Lilas. Elle dit à la princesse de réclamer la peau de l'âne. Et le roi veut tellement sa fille qu'il sacrifie son âne banquier, et alors que la princesse est endormie, vient la nuit déposer la peau de l'animal, avec la tête, sur son lit. Elle a évidemment un cri d'horreur quand elle le voit, et la fée lui dit « tu vas t'envelopper dans cette peau et tu vas fuir ». Et donc, voilà, l'oripeau, la peau de l'animal mort. La légende, c'est même au-delà de la légende, c'est-à-dire que Agostino Pace, qui était chargé de faire les maquettes des costumes, les dessins, etc., raconte que Demy a absolument voulu une vraie peau d'âne qu'ils sont allés chercher à l'abattoir. Je ne sais pas si c'est pour améliorer la légende du film ou pas, en tout cas... Ça avait l'air de peser le poids d'un âne mort, clairement. Et surtout, il a fallu traiter pour les odeurs. Et à un moment, on se demande si ce truc en putréfaction que Podane, la souillon trimballe dans la cour de la ferme, est-ce que ça sentait réellement ? Est-ce qu'ils ont réussi à le traiter ? Elle a un animal mort sur le dos, tout à coup. Vous parlez d'une transformation. Parce que, alors qu'elle a la peau d'âne sur le dos, justement, elle fuit le château, elle va se réfugier dans un village qui se moque d'elle, qui l'appelle la souillon et qui lui reproche sans cesse la mauvaise odeur qui émane de sa peau. C'est vraiment au pire d'elle-même qu'elle rencontre le prince. Le prince qui doit épouser quelqu'un, lui aussi. Les princesses et les princes, ils ne sont ni l'un ni l'autre libres de leur mouvement ni de leur cœur. Et pourtant, ils vont se rencontrer par hasard grâce à un jeu de miroir. Son visage va lui apparaître, un miroir qu'elle aura brisé juste avant. Donc on voit aussi ici à quel point le reflet met en abîme l'importance du cinéma. Et le roi, pour la retrouver, va demander à la personne qui s'occupe de lui, à sa mère d'ailleurs, je crois, cette femme, de lui cuisiner un gâteau. Et ce sera le cake d'amour. Fameux cake d'amour. Qui a donné lieu à une chanson inoubliable que je vous propose d'écouter. Marie Sauvion, après la voix de Catherine Deneuve, qui parle de son rôle donc dans Peau d'âne. Elle réagit d'une manière très pure, mais elle est troublée quand même, jusqu'à ce que sa marraine, la fée, lui explique qu'il faut faire une grande différence entre les deux sortes d'amour auxquelles on est soumis dans la vie. Elle ne sait pas encore très bien, elle ne le saura vraiment très bien que lorsqu'elle rencontrera le prince charmant et qu'elle se rendra compte que l'émoi qu'elle éprouve pour le prince charmant n'est pas tout à fait le même qu'elle éprouve lorsqu'elle se trouve devant son père, et elle commencera à se rendre compte qu'entre aimer son père et être amoureuse, il y a quand même deux choses tout à fait différentes. C'est toi, Podane ? Oui, monsieur l'officier. Bon, je suis Thibault, l'intendant de la reine. Le prince, qui est malade, je suppose, exige un gâteau, fait par toi. As-tu tout ce qu'il te faut ? Oui, monsieur l'intendant. Bon, alors dépêche-toi, Souillon. Nous t'attendons. Un gâteau pour le prince. Mon livre. Le savarin aux pommes, le chenonceau aux rangs, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé aux pruneaux, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour, ma robe couleur de soleil. Préparez votre pâte dans une jatte, plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Le plus surprenant, Marie Sauvion, c'est que quand on écoute attentivement cette recette du cake d'amour, bah c'est presque un 4 quarts en fait, il y a rien d'extraordinaire. Oui, c'est ça. Alors mais beaucoup, des œufs, de la farine, du sucre. Beaucoup voilà. De gens se sont essayés à le faire depuis. Il est un peu sec, je crois. D'accord. Il faut quand même l'améliorer un tout petit peu, mais enfin oui c'est, non mais l'idée c'était vraiment que ce soit réaliste, hein. Et d'ailleurs le réalisme du film de mythe tenait beaucoup, c'est-à-dire que la cabane, le petit poussin, la paille, la cour de la ferme, etc., tout ça c'est du vrai. La cour de la ferme, les châteaux, c'est pas du studio, c'est de la vraie pierre, c'est des vrais décors, bord, le plessis bourré, etc. Donc ça vraiment, ce réalisme-là, Demi, il tient beaucoup. Cette séquence du gâteau, qui est archi célèbre, hein, du cake d'amour, elle est remarquable notamment dans les influences qu'on y retrouve. Évidemment, La Belle et la Bête de Cocteau, qui est une influence qui traverse tout le film, à commencer par la présence de Jean Marais en roi, mais les cariatides, les statues animées dont les yeux bougent, qui sont peintes en bleu dans le château du roi. Il y a un poème de Cocteau qui est lu d'ailleurs. Le poème de Cocteau qui est lu, absolument. Tout un jeu de miroirs qui rappelle La Belle et la Bête, hein, puisque quand Podane regarde dans le miroir qu'elle a fait apparaître avec la baguette de la fée, c'est son père qu'elle voit. Et puis, il y a une influence de Walt Disney que Demi adorait. Il lui avait écrit quand il avait 9 ans. Et quand il est allé aux États-Unis, il l'a rencontré et il disait « c'est un génie, et c'est vraiment un grand, grand créateur ». Et bien sûr, quand on voit cette séquence qui est une séquence de dédoublement, c'est-à-dire que la princesse dans sa robe couleur soleil prépare le gâteau pendant que la Souillon sous sa peau d'âne lui lit la recette, puis fait le lit, puis passe le balai, fait un petit coup de ménage, etc. Et puis un poussin apparaît quand on casse un œuf, mais tout ça c'est Blanche-Neige. On est dans le ménage de la maison des sept nains, on est dans la préparation de la cuisine, etc. On est aussi pas très loin de Mary Poppins avec la baguette magique qui arrive à ranger le coffre. Absolument. Mary Poppins dont on parlera demain. Ah bah très bonne nouvelle. Et donc voilà, donc c'est toutes ces influences là, matinées de pop, de modernité, de souvenirs, de désirs, sur le mélange des styles et la féerie, je trouve qu'il a une position absolument merveilleuse, sachant que évidemment, il s'est heurté après à la réalité vraie de ce qu'était produire un film dans ces années-là, et que malgré le soutien de sa productrice historique Mac Bodard, Demi se désolait de n'avoir eu que 4 millions pour faire son film, 4 millions 8 en fait, hein, parce qu'il avait dépassé. Pourquoi ? Parce qu'il a tout divisé par deux. Tous les décors, c'est-à-dire qu'il avait deux fois moins de décors, deux fois moins de figurants, deux fois moins de costumes à l'arrivée. Et donc, comme souvent chez Demi, on voit un rêve un peu empêché se produire à l'écran. Comment le film a-t-il été accueilli à sa sortie ? Mais il a été bien accueilli. Alors la critique était plutôt bonne. Alors, j'ai relu que dans Télérama en 70, il y avait eu un pour et un contre. Ça, c'est très drôle. Je crois que c'est Claude-Marie Trémois qui l'aimait, Jacques Siclier qui était contre. Enfin voilà, la critique était plutôt bonne. Je me souviens de critiques de Jean-Louis Borry. Enfin, je me souviens. J'ai le même âge que le film, donc je les ai pas lus à sa sortie. Hein, les critiques. C'est un des derniers succès de Demi. En et salle. Puis, oui. Et puis après, vraiment un film passé à la postérité de part. Ces passages télévisés, ces rediffusions qui ont été extrêmement nombreuses et plusieurs générations l'ont découvert à la télévision. Les films qui suivent, que ce soit Le Joueur de Flûte qui réalise l'année suivante pour des Anglais, qui sortira même pas en France quasiment, avec un film avec Donovan, voilà, les films suivants n'auront pas le même bonheur, et c'est un peu, on entre dans la période noire de Demi. Et est-ce que vous pensez que ce film, s'il sortait aujourd'hui, aurait le même succès ? Est-ce qu'on pourrait même plus concrètement, encore proposer un film où un père veut épouser sa fille quasiment de force aujourd'hui ? Alors je crois que pour le coup, les contes ont ceci d'intemporel, c'est-à-dire qu'ils marchaient en 70, ils marchent aujourd'hui, ils marcheront demain, ils marchaient au 17e, ils marcheront au 23e siècle, il me semble, puisque bien évidemment, il ne s'agit pas d'une défense de l'inceste, hein, je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il ne s'agit pas de défendre le roi. Le roi se fourvoie, la fée y met bon ordre, et à l'arrivée d'ailleurs, la fée sait très bien quoi faire du roi. Ben justement, je vous propose qu'on écoute la fin ensemble, l'épilogue, puisque le comte a ouvert la mission, comme il ouvre le film, hein, la caméra au début fait un gros plan, un plan très serré sur un livre qui s'ouvre et on pénètre dans le livre. Donc le spectateur est tel le lecteur imprégné de l'image qu'il y a dans le livre et du texte. Et puis à la fin, la voix off revient et nous raconte l'épilogue. Et je vous propose qu'on l'écoute ensemble avant la fin de l'émission parce que c'est important qu'on la commente. Tout est arrangé, ma chérie, j'épouse votre père. Tâchez de lui faire bonne figure. Ma fille, ma chère fille, tu es là. Nous ne nous quitterons plus. Les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de 3 mois. Il vint des rois de tous les pays. Le roi des Indes avec son éléphant, le roi d'Afrique avec son chameau, le roi de Siam avec ses chats et des carrosses et des chaises à porteurs. On m'a dit que l'amour de ces deux époux durerait encore s'il n'était pas mort 100 ans après. Le comte de Podan est peut-être difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Je n'ai pas précisé que lorsque le père arrive avec la fée, qu'il va épouser, ou qu'il a épousé, qu'il en tout a, cas, oui, voilà, le mariage d'actualité, il arrive en hélicoptère, Marie Sauvion. Ben oui, elle a un hélico. Je vois pas le problème. Elle avait déjà un téléphone dans sa clairière, je vous rappelle. Bien sûr, ben oui, c'est la fée, c'est son privilège. Ouais, c'est ça. Mais là, on se demande, on voit que Demi prend complètement toute forme de liberté avec. Vous parlez de réalisme. Enfin, il est pas dans. On peut pas parler de réalisme au sujet de ce film. Mais il s'octroie toutes les libertés, ce qui rend le film déjanté et génial. Oui. Alors, il avait le souhait de réaliser un conte de une féerie psychédélique. Il faut pas oublier l'époque. On est en 70. Lui, il revient de Californie, donc tout ça lui paraît finalement. assez raisonnable. Et cette idée du mélange des temps, je trouve que c'est vraiment ce qui rend le film... Parce que en 70, ça paraît très moderne. Et puis en 2020, ça paraît très vintage. Mmh. Donc finalement, voilà, ça marche à toutes les époques. Et il y a cette volonté à la fin du film, de pour le coup, on a entendu la voix off, mais même de faire exploser le cadre un peu contenu ou défini dans lequel jouait le film, puisqu'on voit un éléphant qui arrive, en plus de l'hélicoptère, on revoit le perroquet. C'est comique, en fait, la fin du film. C'est comique tellement c'est outrancier, voire caricatural. Il se permet tout. Oui, absolument. C'est un film qui se permet tout. Comique, alors outrancier, j'irai pas jusque là. Il y a une vraie dimension comique dans le film, ne serait-ce que quand la fée lui dit j'épouse votre père et que Poda n'a pas l'air si ravi que ça finalement. Alors voilà, il y a débat sur l'expression de Poda au moment où elle comprend que la fée va épouser son père. Mais effectivement, il s'est tout permis, c'est-à-dire qu'on a quand même vu des grandes séquences tournées dans des grandes salles de Chambord. Il a fait envahir des châteaux de lierre et de fleurs. Il a peint des chevaux en rouge, en bleu, il a inventé des royaumes, il a figé le temps, on a croisé une sorcière qui crachait des crapauds. Tout ça, c'est écrit dans les contes. Là où il dit que c'est réaliste et que les enfants aiment le réalisme, c'est que c'est une vraie actrice, en chair et en os, qui crache de vrais crapauds, qu'il filme. Donc le réalisme est là, c'est-à-dire que tout a l'air vrai. Et que si ça ne l'est pas, c'est bien dommage. On sent le but en tout cas d'inviter les lecteurs à continuer à lire des contes, et clairement il aime les contes parce qu'ils sont atemporels. Est-ce que vous pensez que le conte et cinéma sont compatibles au fond? Pourquoi mettre à l'écran ce qui est déjà présent dans nos livres? D'abord parce que je pense qu'il y superpose, il y ajoute des choses qui sont de son cru. Ce serait dommage de se priver d'un duo entre Catherine Deneuve et Jacques Perrin, qui font des roulades à l'envers dans les prés, qui chantent qu'ils feront tout ce qui est interdit, qu'ils iront à la buvette, qu'ils fumeront la pipe en cachette. Peut-être du hache dans la pipe, allez savoir. Voilà, ce serait dommage de se priver de cet art total, parce que la musique de Michel Legrand, parce qu'on est entre le baroque, le jazz, la pop, que c'est complètement dingue, que c'est des airs, voilà, qu'on aime tous. On a quand même fredonné en douce toute l'émission, Adèle, on peut bien oui, le dire. Oui, même plus que fredonné, évidemment. Les micros étaient fermés gentiment par Nicolas Berger et Marie-Claire Mabadi, mais enfin bon, oui, on a chanté à tue-tête, on peut le dire. On peut le dire. Bon, on se quitte avec une dernière chanson. Vous avez évoqué la chanson des amants. Donc, merveilleux. Là, vous voulez en dire un mot avant qu'on l'entende? Eh ben, c'est un rêve. Le prince est dans son lit, il a trouvé la bague de Podane et elle apparaît en blanc, présence fantomatique dans sa chambre. Et c'est intéressant parce que c'est elle qui vient dans sa chambre, c'est elle qui vient le chercher et que Podane, à travers les épreuves qu'elle traverse, devient une héroïne agissante et qu'elle le dit bien à un moment, si un prince ne vient pas m'enlever, ben c'est moi qui irai le trouver. Merci Marie Sauvion. Merci à vous. Voici la chanson. Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or. Il aura fallu qu'on nous jette un sort. Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? Le montrer ou bien le taire? Nous ferons de notre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Pour rester dans l'univers de Podane encore un instant, je vous conseille la lecture du livre d'Emmanuel Pierrat et Rosalie Varda, Il était une fois Podane, disponible aux éditions La Martinière. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisserie. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, un ami m'a offert le chef-d'œuvre de George Eliot, Middlemarch. Je ne cesse depuis d'en recommander la lecture. Seul problème, je ne l'ai toujours pas fini. Miss Brooke était belle, de cette beauté que semble mettre en valeur la simplicité des vêtements. Elle avait la main et le poignet si délicatement modelés qu'elle pouvait porter des manches dépourvues d'ornements, pareilles à celles que les primitifs italiens mettent à la Vierge Marie. Et son visage, autant que sa stature et que sa manière d'être, paraissait plus noble encore à cause de la discrétion de sa mise. À côté des modes provinciales, elle faisait ainsi songer à la grandeur touchante d'une belle citation de la Bible ou d'un de nos vieux poètes, insérée dans un paragraphe du journal quotidien. Finesse d'analyse des mouvements de l'âme, beauté de l'écriture, des portraits acides aux dialogues réalistes, idée géniale d'avoir créé une ville de toutes pièces et d'en avoir fait la scène de tension entre un ensemble de personnages, leur laboratoire sentimental et l'espace de leur évolution intérieure, alliance d'ironie et d'empathie, voilà pourquoi je ne cesse de vanter depuis presque un an le roman de George Eliot, Middlemarch. Je crois même qu'on pourrait en tirer une philosophie. Ce serait une nouvelle théorie des sentiments moraux, élargie à l'échelle d'une ville et de ses événements, tirée de l'imagination reine et pas du seul intellect de son auteur. Je vais jusqu'à voir dans ce roman un concurrent de La recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Et bien sûr, je ne manque pas de m'offusquer. Pourquoi, en France, personne ne connaît George Eliot? J'y vois un scandale, un grave manquement. Un manquement qui est en fait à la hauteur de ma mauvaise foi, car voilà, je n'ai toujours pas fini de lire ce roman. Alors c'est vrai, j'ai mes raisons, la fatigue, le manque de temps. J'ai des excuses aussi, le roman compte plus de 1000 pages. Mais est-ce suffisant? Car je le vois ce livre tous les soirs sur ma table de chevet, il me tend les bras, il me fait de l'œil, mais je le laisse là. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça m'arrive. J'ai remarqué cette tendance chez moi, ne pas finir ce qui me plaît tout particulièrement. Pourquoi? D'où vient donc une telle absurdité? Friends, a few brief words on this happy occasion. We're met together to celebrate the betrothal of my dear niece Dorothea to my good and learned friend, the Reverend Edward Casaubon. Dr. Lydgate. Miss Vincey. Pourquoi ne pas finir ce qu'on a commencé, mais qui plus est ce qui nous plaît? Il y a quelques semaines, je m'étais posé la question inverse. Pourquoi s'entêter à finir ce qui nous laisse indifférents, voire nous ennuie, au point parfois de frôler le masochisme? Drôle de paradoxe quand même. On s'inflige l'ennui, mais on s'empêche le plaisir. Et pourtant, n'est-ce pas si courant que ça quand on y pense? Mais oui, par exemple, pensez à toutes nos plaintes quotidiennes, banales, les efforts à faire, les courses, les transports, les réveils, le travail. Pensez aussi à tous ces vœux, ces espoirs qu'on a dans les prochaines vacances, l'approche du week-end, ces moments tant attendus où enfin on pourra s'amuser. Il faut le dire, l'ennui est courant quand le plaisir est rare. Mais quand même, de là à se l'imposer à soi-même jusque dans ses lectures, jusque dans ses loisirs, ce serait quand même cocasse, un comble. Pourquoi donc s'empêcher de lire jusqu'au bout ce qui m'a tant réjoui jusque-là? La réponse la plus évidente serait par peur de finir trop vite ce qui est si bien, pour faire durer le plaisir. Une autre réponse serait par goût, par bon goût même. Les belles choses se dégustent et ne s'avalent pas. Il ne s'agit pas seulement de faire durer le plaisir ici, mais de prendre soin de l'œuvre elle-même, par souci de la comprendre littéralement, de l'embrasser, de s'en imprégner totalement. Mais soyons honnêtes, ni l'un ni l'autre. Car au fond, je ne m'empêche pas vraiment de finir ce livre. Je ne le finis pas, purement, simplement. Quelque chose résiste en moi à l'achever, mais quoi alors? Oh, c'est si bon! What does "say si bon" mean, John? Don't you know? It means that it's so good. When I say "c'est si bon," and I say "c'est si bon," because it's oh so good. Ah, say it again. Oh, mais oui. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. Il y a longtemps que je ne compte plus les livres commencés, aimés mais pas finis. Pareil pour les films, les albums de musique laissés en suspens. Mais plus que par souci de l'œuvre ou par envie de faire durer le plaisir, si je ne les finis pas, c'est parce que c'est tout simplement si bon. C'est trop beau, c'est trop engageant, c'est trop. On pense que c'est facile de se laisser aller au plaisir, mais je ne crois pas. Déjà parce que le plaisir n'est jamais qu'une question de laisser aller. Le plaisir se manipule délicatement, mais aussi parce que le plaisir est, comme je l'ai dit, assez rare. Une fois qu'on l'a, on se sent perdu. En vouloir plus, ce serait presque prendre le risque d'être totalement perdu. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui mettent chaque jour à préparer cette émission. Anaïs Isbert, Jules Barbier, Isis Jourda, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Marie-Claire Oumabadi à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur les comédies musicales. Après Chantons sous la pluie, West Side Story et Podane, demain on se quittera en compagnie de Mary Poppins. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.